On va parler de baseball, de hockey avec notre ami Roger Boulotte. Il faudrait qu'on n'ait pas parlé. Ben, salut, je m'appelle Roger. Salut, allez, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Il fait moins 34 au lac Saint-Jean. Fait que Oh, toi, ok. Ouais, disons que j'ai sorti avec mon chien ce matin, là. ouais. C'est pas bien, bien, bien chaud, non plus. Même le chien ne l'a pas laissé dehors. Mais je parlais avec Jean-Paul Chartrand, parce que j'ai commencé, Jean-Paul Chartrand en père, parce que j'ai commencé à enregistrer mes entrevues. Je vais commencer à enregistrer mes entrevues des fêtes. Et M. Chartrand disait que. À Montréal, hier, c'était pas si pire que ça. Fait que. Oh, hier, on était bien. Ouais, hein? Mais aujourd'hui, la réalité a frappé. Non, hier, on était bien. Hier, OK. c'était 30 dehors, par contre, mais Ouais, aujourd'hui, c'est ouais. froid. Hey, Roger, ça commence, ça fait de la. Moi, je l'ai dit, c'est de l'année. Il y a beaucoup de. Regarde, c'est un projet, moi, que je suis tanné. Je suis tanné, puis je suis tanné d'en entendre parler, puis j'ai hâte que ça aboutisse d'un bord ou l'autre, mais c'est le retour du baseball à Montréal. Hier, bon, ben, la presse, il a fait un article hier pour les demandes de pas de Charles Bruffman, mais de Steven Bruffman. Et là, ben, la démagogie est partie encore. C'est toujours les mêmes histoires que dans le temps. Tu sais, hier, j'ai pas écouté parce que je connais le refrain, là, mais au 98.5, hier, on a fait une émission, puis là, c'était des soins de santé. On mêlait tout, encore une fois. Mais c'est parce que les gens ont le droit de donner leur opinion. Ça, faut jamais oublier ça. Ouais. Et comme dans n'importe quel projet, les gens qui sont pour rarement vont voir s'exprimer publiquement craignant d'être critiqués. Tu sais, le gars, ton ami de l'autre bord de la rue, là, si lui est pour, il va hésiter un peu parce qu'il sait pas ce que tu penses. Mais le gars qui est contre, lui, il n'a pas peur de le dire. Et les gens qui sont contre, ils ont le droit de le faire. Mais tu sais, avant qu'on soit arrivé là, il reste encore du temps. C'est pas pour demain matin la construction du nouveau stade. Alors, faut y aller en temps et lieu, faut regarder les données. Et la chose la plus importante, c'est est-ce que oui ou non, nous, comme payeurs de taxes, est-ce qu'on va payer de l'argent dans ça? C'est ça qui est l'affaire la plus importante. Et dans le plan qu'on peut voir, les payeurs de taxes ne seront pas impliqués. Mais là, ben, t'as les économistes qui. Ben, les supposément économistes qui sont contre, là. Sauf que moi, j'ai les économistes qui sont contre. Ce qui m'écœure un peu, c'est qu'ils disent pas. Ils parlent pas des retombées, tu sais. Des retombées d'un club de baseball. C'est pas vrai qu'il n'y a pas y a pratiquement pas de retombées, là. C'est de la. Voyons donc. Mais remarque bien, c'est encore une fois, l'économiste, il a le droit d'analyser comme qu'il veut, mais j'ai hâte qu'il donne la recette qu'on réussisse. Ouais. J'ai hâte que l'économiste m'arrive avec un plan d'affaires qu'on puisse réellement se sortir de tous les problèmes qu'on a sur la terre. Ouais. Mais c'est pas tout à fait ça. Ah Mais ils ont le droit de leur opinion, c'est leur travail. non, ouais. OK. Leur Là, c'est. travail, c'est d'analyser. C'est comme nous autres, quand on analyse un match de baseball, de hockey, de football, on donne notre opinion. C'est pas nécessairement la seule que les gens veulent entendre, mais on la donne. Les Ouais. autres la donnent aussi. Et ça fait partie justement d'un choix. Le gouvernement a un choix à faire. Quel choix qu'il va faire, c'est à eux autres à décider. OK. Mais moi, Et Rod. comme toujours, Ouais. le choix, c'est si ça coûte de l'argent à la population, on n'a pas d'affaire à le faire. Ouais. Mais dans les pourparlers, il n'y a pas question présentement du tout qu'on va faire. C'est un prêt qu'on va rembourser. Alors, Mais ça, je peux pas. C'est pour ça que je te dis, dedans, comment je pourrais dire ça? Faut que tu respectes l'opinion de l'autre, surtout dans une situation de même. Si tu as eu quelqu'un qui est malade, ça aide pas. Et moi, je dis toujours, la personne a le droit de contester, sans aucun doute. mais les expos et les Nordiques sont partis, puis c'est les soins de santé, c'est amélioré les soins de santé. Je vais te laisser répondre à ta question, là. Non, mais à quelque part, non, mais c'est ça pareil. Puis, mais moi, je te l'ai dit, Roger, au dépend de ça, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Moi, je suis rendu. Moi, une histoire de garde partagée, ça m'intéresse pas. C'est tout ou rien. Ça, je l'ai déjà exprimé, là. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout ou rien. Moi, une histoire de garde partagée, là, ça m'intéresse pas. Par contre, il y a une affaire. Montréal, qui se dit une ville majeure en Amérique du Nord, n'a même pas de stade où tu peux faire un match en plein air de hockey. T'as pas de show rock. Tu sais, aux États-Unis, là, t'as des show rock à 80 000 personnes là, dans les stades. T'as même pas ça à Montréal. Puis ça se dit. Écoute, si tu regardes Montréal sur le côté sportif, Ouais. la dernière nouvelle arena, c'était Maurice Richard. Ouais. Alors, tu sais, Ça on a remonte à quelle année, depuis ça, Roger? l'année 60. Ben, t'as le Centre Bell, mais c'était fait. T'as le Centre. Ouais. C'est pas un site pour les gens publics, pour les Ouais. gens qui savent jouer, ça c'est Ouais, l'entreprise. c'est ça. Mais Mais. ça, Ouais. comme je dis, c'est un choix du gouvernement. C'est un choix. Je trouve ça, les économistes qui n'ont pas dit un mot, lorsqu'on a dépensé 200 millions pour la salle de l'OSM Canadien, oui. Bombardier, tu peux 200 millions. Bombardier, tu peux en Ça. nommer, là. De l'argent, on en donne beaucoup de ce qu'on appelle du corporatif, de l'aide Pour corporative. le corporatif, il ne faut pas que tu dis est-ce que oui ou non, on a une rentrée. Quand tu regardes une compagnie, n'importe quelle grosse compagnie, tu investis dedans, mais ça te donne quoi en retour? Mais ça, on n'entend pas de critiques souvent sur ça. Ça a l'air que c'est correct, ça. Non, mais tu sais, et moi à l'époque, j'ai toujours dit si Claude Brochu, si Lucien Bouchard avait accepté le plan de Claude Brochu de payer l'impôt des joueurs, Excuse-moi, là, ce Lucien Bouchard, là, Danny, oublie pas, M. Bouchard était prêt. Sauf que le groupe ne voulait pas garantir que si jamais l'équipe partait, qu'il payait le stade. C'est ça qui est la différence. M. Bouchard était prêt à embarquer, mais le gars dit, si tu t'en vas dans 5 ans, tu as payé le stade, et on dit non. Mais là, il a compté de ce moment-là, avec raison, M. Bouchard a dit non. Donc, Avec raison. mais le problème, c'est qu'au Québec, politiquement parlant, fessé sur des riches, c'est payant. Encore l'histoire des Mais millionnaires, là. L'histoire des partout millionnaires. dans le monde. Ouais. Mais je pense qu'au Québec, Partout c'est dans le pire. monde. Pas juste au Québec. C'est parce qu'on reste ici, mais Ouais. si tu regardes dans l'ensemble, Danny, c'est la même chose partout. OK. C'est la même chose partout. Mais Mike Trout, j'aime autant qu'il fasse à Montréal son 30 millions qu'il fasse à Los Angeles. D'avoir plus de fois d'avoir joué ici, en tout cas. Ouais. Mais c'est faux. Non. Tout dépend encore une fois. L'atelier qu'on fait présentement. J'accepte ça fait partie de la société. Mais là, ce qu'on a fait, l'OSM, je n'ai pas entendu de tollé partout. Effectivement. Est-ce que le Je n'ai rien plan, entendu. au niveau communication, est-ce que le plan des Bronfman est bien vendu? Mais il ne peut pas être vendu, il n'est pas fait encore. OK. Ils ne peuvent pas le vendre. C'est tout ce que c'est que ce petit-là. Ça ne vient pas du clan C'est du Bronfman, ça. coulage, hein? Mais c'est du coulage quelque part. Je peux te dire que ce n'est pas lui. Ça, je peux te le garantir. Alors, quand tu regardes, c'est ce qui est dit. Il n'y a rien de changé. Monsieur Legault a dit la même chose de ce qui est passé à TVA Sport l'autre jour avec JC. Il dit la même chose. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien. À chaque fois qu'il en parle, il dit toujours, écoutez bien, là, si ça coûte de l'argent au gouvernement, on n'embarque pas. C'est ça la réplique. Puis le C'est ballon. ça la réplique. Canadien, comment t'as trouvé ça? J'en remets les dernières semaines. Comment t'as trouvé ça? Mais écoute bien, les changements qu'ont laissé partir M. Bergevin, je pense que c'est une décision corporative. Ils se sont dit, écoute bien, il reste lui veut tant d'années, nous autres, on veut tant d'années, et on n'arrive pas à une entente. Ça, ils ont le droit de le faire. Alors, c'est ça, ils ont mis M. Gordon. M. Gordon, c'est un homme compétent, mais moi, je n'ai jamais vécu de ma vie, et je pense que dans l'histoire du Canadien, qu'un Américain anglophone, c'est lui le grand boss. J'ai jamais vécu ça. Ça, j'ai jamais vécu ça. Au point de vue de Batavia Robert Gillette, mais lui c'était le propriétaire, Propriétaire, on parle là. pas de la même chose, là. Ouais. Propriétaire, mais pas nécessairement majoritaire. Là, Il non, était c'est sûr. propriétaire. Ouais. Un propriétaire avec Whitnall, avec les Alouettes, la même chose. Un propriétaire, lui, jamais je dirais un mot qu'on est un propriétaire. Jamais. Mais par contre, tu vois ça. L'arrivée maintenant, ça prend un francophone ou quelqu'un qui parle français pour être directeur gérant. Tu as plusieurs candidats, dépendant de ce que tu vas avoir comme candidat. C'est ça qui est la réponse. Puis tu as un candidat avec expérience ou un candidat que tu veux former. Et c'est ça la décision qu'ils doivent prendre et nous aviser. C'est leur choix. Mais moi, j'aimerais mieux avoir un gars d'expérience, sans aucun doute. Mon choix, c'était Patrick, mais Patrick, c'était, écoute, c'est de loin, là. Mais ça, on aurait du plaisir. Puis je pense qu'au Tu niveau. sais, Ouais. l'année, quand les gens disent, Patrick, il a laissé tomber le Colorado, de ma connaissance, Eisenman, après avoir gagné la Coupe cette année, il a quitté Tampa. De ma connaissance, je ne suis pas sûr. Il C'est me semble qu'il a peut-être quitté Tampa. 3 semaines après, par exemple. C'est peut-être 3 semaines avant le début du camp d'entraînement. C'est peut-être ça que les gens reprochent à Patrick. Mais je vais te poser une question. Est-ce que Patrick regrette, selon toi, d'avoir quitté Colorado? Pas nécessairement quitter Colorado, non. Mais Patrick, c'est un gars qui prend des décisions. Après ça, il regrette pas, mais il réfléchit. Il dit, ouais, je peux pas faire ça à chaque fois. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça. Roger, on se reparle bientôt. Fait que la semaine prochaine, à quelque part, on va suivre l'actualité et on se rappelle. On t'attend. Mais Salut. Roger.